Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, Hélène Pedneau, la colère au service de l'engagement. Le premier mot que j'ai dit dans ma vie, je pense, quand j'étais petite, là, vraiment à moins d'un an, je pense que c'est pas juste, tu sais. Comme tous les enfants disent. Et je suis à 43 ans, je dis encore, c'est pas juste. Donc, on change pas tant que ça. Bien sûr, on s'améliore sur le plan comportemental, sur le plan des idées, on raffine nos choses. Mais le c'est pas juste, je mourrai en disant c'est pas juste, c'est certain. En écoutant Hélène Pedneau à l'émission « Pêcher mignon » en 1995, on ne peut s'empêcher de penser que la vie a été bien injuste envers elle. Mourir à 57 ans, c'est pas juste. Toute sa vie, Hélène Pedneau va se battre contre l'injustice, féministe, indépendantiste, environnementaliste. Hélène Pedneau sera de tous les grands combats de son temps. La colère sera pour elle un moteur, une colère au service de l'engagement. Hélène Pedneau, bienvenue à Pêcher mignon. Bonjour. Vous devenez tranquillement une espèce de porte-parole de la colère. Est-ce que je me trompe? Je ne sais pas. C'était pas mon intention. Mais porte-parole, je ne peux être porte-parole que de moi-même, je crois. C'est-à-dire des observations que je peux faire sur la société dans laquelle je vis. Ma colère vient du social. C'est très rare, moi, que je vais adresser ma colère à un individu. Un individu, c'est, bon, quand je vais avoir un problème avec quelqu'un, je vais essayer de m'expliquer, mais ce ne sera pas à travers la colère. Parce que je n'ai aucune nécessité d'être en colère contre un être humain. Par contre, ma colère, je la garde, je la soigne et je l'entrepose, je dirais, en réserve pour le social. Parce que là, il y a source de colère et il y a des raisons de se mettre en colère. Et je pense que la colère est très saine quand on sait comment la diriger. La colère peut être extrêmement dévastatrice, attention. Elle a besoin, comme n'importe quel autre défaut ou qualité des êtres humains, elle a besoin d'un canal. Sinon, on se tue, on se consume, on s'auto-consume. Hélène Pedneau, au micro de Martin Larocque à l'émission Pêcher mignon en juillet 1995. Pour nous rappeler le parcours singulier d'Hélène Pedneau, une figure importante du féminisme québécois, je reçois son amie, partenaire de combat, la journaliste et féministe Francine Pelletier. Francine Pelletier, bonjour. Bonjour. D'abord, on va parler de son importance, l'importance qu'elle a eue pour le Québec dans un instant, mais pour vous, quand on parle, quand on évoque le souvenir d'Hélène Pedneau, qu'est-ce qui vous revient tout de suite et spontanément en tête? Ses cigarettes, son effervescence, son urgence de vivre, sa voix de fond de cendrier, sa capacité de rassembler les gens. Ouais. Elle avait une grande capacité de rassembler. Et son indignation, moi je crois qu'un meilleur mot pour la décrire, c'est indignation. Parce que colère, on a une connotation de méchanceté. Ouais. C'est vrai, elle n'était pas méchante. Elle avait le verbe haut, elle pouvait être très mordante dans ses textes. Mais elle ne s'en prenait pas individus. Elle était une tendre. Il y avait beaucoup de contradictions chez Hélène. C'était quelqu'un vraiment à deux volets, mais elle était une perpétuelle indignée. Ouais. Pour le Québec, pour ceux qui ne l'ont pas connue comme vous, mais pour la société québécoise, de quelle manière cette femme-là a été importante? Mais vous l'avez dit, elle a été la femme de trois grandes causes. L'indépendance d'abord. Bon, c'est une fière bleuette. Elle vient du lac Saint-Jean. Elle ne l'a jamais oubliée. Elle ne l'a pas fait oublier non plus. Elle a été évidemment féministe, ouais. Notamment dans les pages de La Vie en rose, mais pas seulement. Et finalement, plus tard, elle a été une environnementaliste. La coalition Au Secours, elle a cofondé avec d'autres. Ouais. Mais de ces trois causes, son grand combat, c'est le féminisme ou... Je pense que c'est ce qui lui a le plus collé à la peau. C'est ce qu'il y avait de plus personnel pour elle, de plus senti, c'était probablement le féminisme. Oui. En préparant l'émission, Francine Pelletier, en écoutant des extraits d'Hélène Pedneau, l'image de Pierre Bourgault, spontanément, m'est venue en tête. À tort ou à raison, est-ce qu'on peut les comparer? Oui, tout à fait. Ces deux passionnariats, ces deux personnes qui n'ont pas peur de mettre les poings sur la table, qui parlent fort, qui parlent le doigt en l'air, qui ont une certaine colère quand ils parlent, effectivement, et qui portent une cause comme nul autre. Ils ont une capacité de convaincre, ouais. Tant Bourgault que Hélène Pedneau, qui est assez inhabituelle. Donc oui, ce sont deux figures emblématiques, passionnées, indignées et militantes du Québec. C'est à La Vie en rose, au magazine La Vie en rose, que vous l'avez connue. Parlez-moi un petit peu de cette rencontre, mais en fait, du contexte dans lequel elle débarque, Hélène Pedneau, à La Vie en rose pour proposer des collaborations. Comment ça se passe, son arrivée à La Vie en rose? Alors, ça se passe en 82. Elle avait déjà, en 82, proposé à La Vie en rose une entrevue avec Clémence Desrochers, sa grande héroïne de tout temps, quelqu'un pour laquelle elle a travaillé, elle a été son impresario pendant 5 ans. Petite parenthèse là-dessus, parce que c'est une fascination, ça va écrire 2 bouquins sur Clémence Desrochers. Qu'est-ce qui la fascine tant chez Clémence? Elle dit que Clémence est un trésor national. En fait, Clémence incarne tout ce que Hélène adore. C'est l'humour, d'abord. Hélène, elle était extrêmement drôle aussi. Une raconteuse d'histoires, quelqu'un de très branché sur le Québec, sur les gens ordinaires. Oui. Donc, tout ça l'emballe. Elle dit qu'elle la suit à la télévision depuis l'âge de 5 ans. Et elle va, plus tard, dans la vingtaine, devenir son agente d'artiste. Donc, ça, c'est sa première collaboration. C'est sa première collaboration. Et ça s'adonne que cette collaboration-là, c'est dans le numéro consacré à l'amour. À chaque numéro de La Vie en rose avait un dossier principal. Celui-là, c'était l'amour. Et donc, dans le prochain numéro, en septembre 82, elle écrit à La Vie en rose en disant un texte qui s'intitule « Y a-t-il une amoureuse dans la salle? » Ouais. Alors, en disant « Écoutez, les filles, vous êtes bien bonnes, là, politiquement, là, vous êtes imbattables, mais franchement, parler de l'amour sans parler des sentiments, sans parler des sensations... Elle trouvait qu'on passait complètement à côté. Elle avait un peu raison, oui. D'ailleurs. Et elle nous avait fourni, du même souffle, un extraordinaire texte qui s'appelait, et qui s'appelle toujours, « Gros plan, le baiser du 20 avril 1979 » pour dire « Voici un texte qui vraiment parle de l'amour ». Et ainsi est née la chronique délinquante, où à chaque numéro... Hélène avait un texte, avait une chronique. Ouais. Qui, y a-t-il, dépendant du dossier, y a-t-il un âge d'or dans la salle? Y a-t-il un bébé dans la salle? Y a-t-il une prisonnière, etc. Et ces chroniques délinquantes, c'est ce qui va la faire connaître vraiment du grand public. C'est ce qui fait qu'elle naît, en quelque sorte, dans l'espace public, Hélène Pedneau. Pourquoi ça a été si marquant, ces chroniques-là, Francine Pelletier? D'abord à cause de son humour, parce que je pense que le féminisme a beaucoup de qualités, mais de façon générale, on pense pas au féminisme en pensant qu'on va rire. Et pour nous, à La Vie en rose, ça nous servait complètement. C'était le genre de féminisme qu'on voulait pratiquer. Ouais. On avait écrit un manifeste justement pour dire, nous, la ligne juste, ça nous intéresse pas, les chapelles, les saumons, c'est pas ça. On veut un féminisme joyeux, ouais, qui déborde, qui est contradictoire peut-être par moments, qui est littéraire, qui célèbre. Ouais. Alors, Hélène a très bien compris ça, puis c'était tout à fait dans sa nature. Donc, elle prenait des choses très sérieuses, par exemple, la question de l'âge d'or ou d'avoir ou pas des bébés, ouais, ou etc. Et elle en faisait une chronique de façon... par exemple, sur l'âge d'or, elle calque sur le manifeste du FLQ, elle appelle ça le front de libération de l'âge usé et écœuré, elle appelle ça la FLAC, etc. Et elle écrit selon le modèle du manifeste du FLQ. Simone de Beauvoir, j'aurais envie de commencer l'entrevue. Comme Michel Conta a commencé la sienne en 75 avec Sartre, en vous demandant, vous aurez 76 ans dans 10 jours, comment allez-vous? Très bien. Qu'est-ce qui vous arrive en ce moment? Il m'arrive que je travaille à certaines choses. Je travaille en particulier au tournage du Deuxième Sexe pour une série d'émissions à la télévision française. C'est une étude sur la condition de la femme à travers le monde, en somme, particulièrement, naturellement, en France. Est-ce qu'il y a des penseuses intéressantes dans le féminisme actuellement? En France, je trouve qu'il y en a une qui est très forte, c'est justement celle qui dirige les nouvelles questions féministes, Christine Delphi. Je trouve que c'est vraiment, elle pense. Et aux États-Unis? Ça, je les connais moins bien. J'aime beaucoup Kate Millett, mais je l'aime autant comme romancière que comme penseuse. Je trouve que théoriquement, il n'y a pas tellement de livres importants sur le féminisme. Pratique vivant, oui. C'est à titre de collaboratrice à La Vie en rose qu'Hélène Pedneau va réaliser cette entrevue avec Simone de Beauvoir, dont on vient d'entendre un extrait, entrevue qu'elle réalise en 1984. Racontez-nous l'histoire, la petite histoire autour de cette entrevue, Francine Pelletier. Hélène vouait une admiration sans borne à Simone de Beauvoir. Elle avait tout lu depuis sa tendre adolescence. Elle était une disciple de Simone de Beauvoir et elle savait pertinemment que Simone de Beauvoir commençait non seulement à se faire vieille, mais elle ne donnait plus d'entrevues. Ouais. On est en 83 au moment où elle nous propose l'idée. Et aussi, Hélène, évidemment, trouvait que les femmes manquaient d'ambition et donc on aurait peut-être nous-mêmes pas pensé à faire ça, ouais. Mais que cela ne tienne, Hélène Pedneau, elle prend sa plume, elle lui écrit une lettre, « Chère Madame de Beauvoir », en expliquant que c'est pour La vie en rose, qu'est-ce que La vie en rose, etc. Et tout de suite, Simone de Beauvoir répond en disant « Je serais heureuse de vous recevoir à Paris ». Alors, coup de maître. Absolument, ce sera la dernière entrevue que donnera Simone de Beauvoir, qui mourra 2 ans plus tard. Et donc, Hélène, accompagnée d'une autre amie et collaboratrice de La vie en rose, Marie Sabourin, se rendent à Paris pour faire la fameuse entrevue avec la papesse du féminisme. Ouais. Et vous voyez, moi, j'écoute l'extrait, puis on voit que Hélène est sur son 36. Là. On connaît pas tout à fait Hélène. Ouais. Elle a sa petite voix. Impressionnée. Oui, elle était totalement impressionnée. Entre vous et moi, je pense que c'est pas la meilleure entrevue qu'elle ait jamais faite parce qu'elle essayait de la ménager un peu. Là. Pudique aussi dans cette entrevue. Ça nous en dit probablement un petit bout, ça, d'ailleurs, sur... parce qu'avec Simone de Beauvoir, elle aurait pu explorer des territoires un peu plus intimistes. Elle va pas là du tout. Rien sur la vie avec Sartre, etc. Hélène était, et ça fait partie de ses contradictions, autant elle a mis le doigt sur le bobo de tout ce qui bouge sur la place publique, la question de l'intimité, de la vie personnelle, elle n'en parlait jamais en ce qui la concernait, elle. Et face à Simone de Beauvoir, c'est on n'en parle pas. J'ai de soleil qui me pousse au jour, j'ai de la guinée qui m'enlèche du mou, j'ai cœur en mer, je trouve le monde beau tout en coton, mes yeux rondissent comme des vies. Marie-Claire Séguin interprétant la chanson Le Printemps, une chanson dont le texte a été écrit par Hélène Pedneau. C'est comme impresario, comme parolière aussi, Francine Pelletier, qu'Hélène Pedneau débarque à Montréal. Parlez-nous un petit peu de son arrivée à Montréal, de ses origines, de comment ça se passe quand elle débarque dans la métropole. Alors, voilà, c'est une autre illustration des deux volets d'Hélène Pedneau. Hélène est née à Jonquière. Son père était journalier à la papeterie. Sa mère était ménagère. Donc, c'était vraiment la classe ouvrière. Elle n'a pas vécu riche, mais elle dévore les livres, grâce à son père, qu'elle adorait d'ailleurs, les livres et la musique dès sa petite enfance. Et elle dit très vite, moi, je suis une intellectuelle. J'ai besoin d'intellectuels. Ouais. Je pense qu'elle va d'abord à Paris, un premier voyage très jeune, 17-18 ans. Et dès l'âge de 20 ans, elle est agente d'artiste à Montréal. D'abord pour une boîte qui a parmi ses artistes Richard et Marie-Claire Séguin, qui deviendront... elle va partir sa propre boîte, ou en fait, elle va partir à son compte et les Séguin vont partir avec elle. Et à partir de là... Ils sont très connus à ce moment-là. Sont très connus, c'est leur moment de gloire, les années 70. Et ensuite, elle aura évidemment Clémence, Suzanne Jacob et d'autres. Et elle compose des chansons grâce à cette implication avec les artistes. Elle écrit les paroles de chansons pas systématiquement, mais assez souvent. Et ce qu'on vient d'entendre, c'est très lumineux, c'est très joyeux, on est loin de la colère, de l'indignation. Ça existait donc, ce côté plus lumineux chez Hélène Pedneau. Tout à fait, tout à fait. Par rapport à Simone de Beauvoir, par exemple, on sent qu'elle épargne, elle l'épargne parce qu'elle l'aime. Elle épargnait ceux et celles qu'elle aimait. Il y avait vraiment une Hélène Pedneau qui pouvait être en colère, qui pouvait faire peur, qui avait des sautes d'humeur épouvantables, qui se foutait si les gens se plaignaient de sa boucane. Il y avait une Hélène Pedneau qui était toute douce, toute petite. C'était une grande amoureuse. Et qui a le goût, à un moment donné, quand elle écrit Le Printemps, de célébrer l'espoir qu'amène le printemps. Tout à fait. D'ailleurs, un de ses livres, Les carnets du lac, ça s'appelle une traduction d'Hélène Pedneau. Elle traduit les états d'âme du lac où elle vit, au lac. Elle a passé les 10 dernières années de sa vie au lac Saint-Sébastien à Saint-Zénon. Et elle parle de ce lac d'une façon sublime. Tu m'as aimé rose, parce que c'est toujours la question. Piège, êtes-vous féministe? Je suis tombée dedans quand j'étais petite, probablement, je sais pas. C'est un cerveau en Bélix. Oui, étant une femme, j'imagine que je suis, moi, automatiquement féministe. En tout cas, je sais pas. Et j'ai beaucoup, beaucoup de mal à comprendre, effectivement, les femmes qui ne se réclament pas du féminisme, parce que le féminisme a été la plus grande révolution, je pense, du 20e siècle et d'une grande partie de l'histoire. C'est comme un petit peu la supernova qui est en train d'exploser en ce moment. Le féminisme, c'est ça. Sauf peut-être qu'on n'a pas encore eu l'image de l'explosion réelle. C'est Hélène Penneau qui écrira le texte de la chanson de cette grande marche du pain des roses en 1995, chanson sur laquelle vous l'entendiez parler de féminisme à l'émission La Grande Visite en 1987. Quel genre de féministe sera Hélène Penneau, Francine Pelletier? D'abord, le genre de féministe que prônait la vie en rose, que je décrivais tantôt, drôle, contradictoire, radical à ses heures, mais tendre à d'autres. Elle avait, je pense, ce qui la motivait beaucoup par rapport aux femmes, c'était que, comme elle dit, les gars savent comment faire l'histoire, comment creuser leur sillon, et les femmes ne le savent pas encore. Ah. C'est ça qu'elle trouvait injuste, que les femmes ne prenaient pas leur juste place. Et donc, elle était toujours là pour pousser les femmes. Allez, les filles, vous êtes capables. C'est elle, d'ailleurs, grâce à Hélène, que nous avons fait le fameux hors-série en 2005 pour marquer les 25 ans de La Vie en rose. Son sens de l'histoire, encore une fois. On ne peut pas passer à côté d'un anniversaire aussi important. Allez, les filles, let's go. Ça, c'était Hélène. C'était toujours dans l'action et pour laisser une marque, pour montrer qu'on existe et dire qu'on est capable. Rien ne l'exacerbait davantage que ce côté des femmes qui hésitent, qui sont pas sûres, ouais. qui ont peur, qui se font pas confiance. Ouais. L'indépendance du Québec, autre grand combat pour elle. Quelle place ça va occuper dans sa vie? Eh bien, ça occupe une grande place. D'ailleurs, il y a aujourd'hui un prix Hélène Penneau qui est décerné à chaque année par la Société Saint-Jean-Baptiste. Donc, elle a aussi marqué beaucoup de points par rapport à l'indépendance. Mais je vais vous dire que, de mon point de vue, à La Vie en rose, où je l'ai connue surtout, le féminisme, on parlait d'indépendance, mais il y avait une espèce de compétition là, entre ces idéologies-là. Oui. Pour la bonne et simple raison que la deuxième vague du féminisme est née parce que les femmes n'avaient pas de place dans les autres grandes luttes, que ce soit marxiste, indépendantiste ou d'autres. Donc, Hélène, chaque fois qu'elle pouvait, elle parlait du pays à bâtir. Mais ce n'était pas notre premier combat et ça paraissait aussi dans ses textes, ouais. À La Vie en rose. L'environnement, ça viendra un peu plus tard, je pense, mais quelle forme va prendre son engagement sur la question environnementale? Ben, elle s'est beaucoup engagée sur la question de l'eau. Il y avait deux organismes pour lesquels elle travaillait. Elle a été vraiment une fondatrice, la coalition Eau Secours et aussi Porteur d'eau. Ouais. Donc, c'était assez visionnaire de sa part, parce que je vais vous dire, autant on parlait d'indépendance et de féminisme dans les années 70 et 80, l'environnement avait de la difficulté à placer un mot, là. Ouais. On prenait pas ça très au sérieux encore. Et Hélène, visionnaire, vraiment, avant tout le monde, pionnière dans ce domaine-là aussi, a dit non, il faut s'en occuper. J'ai l'impression d'être toujours passée à côté des choses importantes. Comme quoi? Vous voulez encore parler de ma relation pourrie avec ma mère? Je l'ai tuée. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Je vous parle plus d'accident, vous devriez être content. Pas tout à fait. J'en ai marre, laissez-moi tranquille. Admettez que vous aimiez votre mère. C'est impossible. Pourquoi? J'ai pas de preuves. De preuves? Avez-vous trouvé une seule personne dans mon entourage qui vous dise que j'aimais ma mère? Non. Alors comment voulez-vous que j'y croie? Je l'ai aimée quand j'étais petite. Je l'ai voulu. J'ai essayé de la séduire, j'ai tout fait. Elle n'a rien voulu savoir. Alors je me suis mise à lui faire payer, à la détester. Et mon histoire de haine avec elle est 10 fois plus longue que ma tentative d'amour. C'est la haine qui l'a emportée. On fait pas d'enfants quand on est incapable de leur donner de l'affection. Vous êtes dur. Vous vous répétez. À Alain Zouvi et Marie-André Corneille qui interprétaient un extrait de la pièce La Déposition pour l'émission Théâtre en clip en 1994. Hélène Pedneau, Francine Pelletier, c'est aussi, puis cet extrait montre la qualité de son écriture. C'est aussi d'abord et avant tout une écrivaine. Et ce qu'on vient d'entendre, ce texte-là qu'elle publie en 88, La Déposition, c'est peut-être ce qui se rapproche le plus d'elle par rapport à ses billets, à ses chroniques. Pourquoi? Qu'est-ce que ça nous dit cette pièce sur Hélène Pedneau? Pourquoi c'est une pièce importante? Ben d'abord, bien que Hélène est connue pour beaucoup de Québécois et Québécoises comme une grande militante pour les trois causes qu'on vient de nommer, c'était d'abord et avant tout une écrivaine. C'était son souhait le plus profond. Depuis l'âge de 5 ans, elle rêvait d'être écrivaine. Et finalement, en 88, donc ça fait au moins 25 ans qu'elle écrit toutes sortes de textes, des chansons, comme des poèmes, comme des chroniques, elle finit par accoucher de cette pièce. Elle est très proche à ce moment-là du théâtre expérimental des femmes. Et c'est donc son premier essai dans la grande littérature, si on veut. Là. Tu sais, elle y était, là, elle y touchait. Et je pense qu'aussi le sujet, bien, c'était du Hélène tout craché, mis à part le côté un peu personnel où elle n'avait pas un très bon rapport avec sa mère. Il y a une métaphore ici. On tue sa mère parce que notre génération de femmes, Hélène et moi, on s'est retournés contre cette condition-là des femmes où on restait à la maison, puis on était soumises, puis on prenait son trou, quoi. Mm-hmm. C'est ça qu'elle tue aussi là, dans cette pièce. Ouais. Un petit mot sur cette fin bête, injuste, hein, pour boucler la boucle. C'est injuste, mourir à 57 ans. Elle meurt d'un cancer en 2008. Vous avez été témoin de ça. Vous en aviez parlé, vous avez écrit un très, très beau texte là-dessus. Un mot pour nous raconter un petit peu ça. Le texte que j'ai écrit là-dessus, c'était pour souligner quelque chose qu'on ne voit pas souvent d'Hélène, dont on ne parlait jamais d'Hélène, mais parce que c'était quelqu'un de très impliqué, qui rassemblait. Mais pour moi, le texte s'appelle d'ailleurs « La solitude de la coureuse de fond ». Pour moi, il y avait une grande solitude chez Hélène parce qu'elle était impliquée dans tout ce qui bougeait. Mais c'était une femme qui vivait seule, qui n'a pas eu vraiment l'amour qu'elle méritait dans la vie. Et je suis sûre que ça la blessait profondément. Mais à cause de sa grande pudeur, on n'allait jamais là. Mais la belle ironie, c'est qu'elle est morte entourée comme une reine, comme je dis, parce qu'il y a eu 5, 6, 7 femmes qui ont été constamment à son chevet, qui lui ont tenu la main jusqu'à la fin, qui lui ont mis de la musique, qui lui ont donné des cigarettes, ça en voulait, ou du Pepsi, ça en voulait. Et elle est morte très bien entourée. Francine Pelletier, c'était touchant de vous entendre sur votre amie Hélène Pedneau, journaliste, réalisatrice. Merci beaucoup. Merci à vous. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.